moule ma moi mie. Mbusa no tinye na bana nengele noa mumabo. Makobi mena mena wabete tena owa namba. Wanane diwe ni mbapenja so na digunje mo. Banjana wende. Somba tete Mopone boboli banana benjene no Mumamu Banginya bawasi matongo mese destabilize mba Ginyango ndeboli banana siko bonbeya E banjana wende Wende ndola mie sucré qu'on déguste avec passion. Alors, avis à tous les amoureux, aimez-vous vraiment. Bongo buena wa osumane no ponsomba tete. Mopone boboli banana benjene no. Umamo, banginya bawasi matongo mese destabilize mba. Toi et moi, c'est pour la vie. N'écoute pas les ondes, hein. Je reste ton cœur à vie. Naposi wala nawa, namabe pone na wapon, dobe ponsone namje. Naposi wala nawa, namabe ponsone na wa. Dobe ponsole nanje Wende nola mie Wende nola mie Wende nola mie O wamene moe Wende nola mie Wende nolo Nakasi be ma bese Donje po e ma ponde, buluna mwese kapa.